nous savons combien Saül cherchait à faire mourir David. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tu es dans un travail où ton poste est tellement convoité qu'il y a des gens qui sont méchants. Ils sont prêts, ils sont capables même de te faire mourir. Mais lorsque tu as Jésus, tu es sous la protection divine. Tout ce qu'ils vont faire, leurs projets vont échouer dans le nom de Jésus. Mais il faut que tu sois prudent. Ils sont aux aguets pour nous ôter la vie. Verset 4. Quand quelqu'un est aux aguets, ça veut dire il est en train de te surveiller. Il cherche une occasion favorable. Il complote contre nous. Verset 4. Il y a des complots. Il y a des gens qui sont victimes de complots. Ça nous rappelle l'histoire de Joseph. Joseph, l'un des fils de Jacob, qui fut victime des complots de ses propres frères. Parfois, ceux qui nous combattent, ils ne sont pas loin. Ils sont parfois autour de nous. Nos propres frères, nos propres cousins, cousines, parce que le diable les utilise. Joseph fut vendu par ses propres frères. Vous trouvez ça dans Genèse 37, verset 18. Même Jérémie fut victime d'un complot. Jérémie 18, verset 23. Souvent, quand tu prêches la vérité, quand tu marches dans la vérité, les gens qui vivent dans les péchés, là, les gens qui veulent la magouille, ils ne vont pas t'aimer. Il dit aussi, ils courent et ils se préparent pour nous nuire. Au verset 5. Ils reviennent chaque soir et hurlent comme des chiens. Ils sont donc comparés aux animaux enragés, capables de nous mordre. C'est pourquoi, lorsque tu fais souvent des songes qu'il y a des chiens qui veulent te mordre, ça symbolise que les puissances sataniques et démoniaques sont en train de te poursuivre. Ils font jaillir le mal de leur bouche et profèrent des malédictions. Verset 13. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un, vous entendez quelqu'un à tout bout de champ, il aime prononcer des paroles de malédiction. Tu vas faire accident, tu vas mourir. Ça, ce n'est pas bon. Nous, en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, notre ministère, ce n'est pas celui de maudire. Quand tu entends quelqu'un qui est maudit, il est de l'autre côté. C'est quelqu'un que Satan utilise. Parce que Satan est appelé le voleur. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Deuxième vérité tirée de ce psaume 59. Prions Dieu pour qu'il délivre et qu'il nous protège et qu'il nous délivre. Oui, c'est par la prière. Ce psaume nous aide à savoir comment nous pouvons prier lorsque nos ennemis nous combattent comme ils ont combattu David pour l'empêcher d'entrer dans sa destinée prophétique. Vous voyez ici d'abord, David demande à Dieu la délivrance et la protection. Quand tu es combattu là par tes ennemis, demande à Dieu la délivrance et la protection. Il dit au verset 2, « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis et protège-moi contre mes adversaires. » Il réitère cette prière encore au verset 3 en demandant à Dieu de les délivrer et de les sauver. David aussi a demandé à Dieu de se lever contre ses ennemis au verset 6. Remarquez que David fait appel au Dieu d'Israël dont l'un de ses noms c'est Yahvé Tsabaoth qui est traduit en français par l'Éternel des armées, Yahvé Tsabaoth. Il était de coutume que quand l'Arche de l'Alliance partait, Moïse dise « Lève-toi Éternel et que tes ennemis se dispersent. » Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Vous pouvez vérifier dans Nombre 10, 35. David prie aussi pour que Dieu agisse contre ses ennemis. David dit, ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Verset 12. Un mort brusque de nos ennemis ne permettra pas au peuple de Dieu de tirer des leçons. C'est ainsi que Dieu nous fait contempler avec joie les jugements de nos ennemis lorsque Dieu les châtiera. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, celui qui est ton ennemi, qui a bloqué tes affaires, qui bloque tes finances, qui bloque ta prospérité, ne prie pas pour qu'il meure. Il faut que la personne vive. Comme ça, elle pourra voir comment Dieu va te bénir. Ce serait une occasion de comprendre qu'il y a un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi David dit, ne les tue pas. Il faut les laisser vivre. Mais il dit seulement que Dieu les fasse errer et qu'il les précipite, comme Satan lui-même a été précipité. Le but des châtiments divins contre eux, c'est qu'ils sachent que c'est Dieu qui règne, non seulement au milieu de son peuple, mais également jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous dit le verset 14. Troisième vérité, célébrons la bonté de Dieu chaque matin. Oui, pendant que nos ennemis nous combattent, qu'ils complotent contre nous, qu'ils reviennent chaque soir pour huler, nous devons chanter pour le Seigneur et célébrer chaque matin sa bonté, comme nous dit au verset 17. Soyons conscients que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, comme nous dit Lamentations 3, verset 22. Rappelons-nous que Dieu est pour nous. Il est notre haute retraite. Il est notre refuge. Il est notre secours. le refuge qui ne manque jamais au jour de la détresse. C'est pourquoi dans ce psaume, David dit au verset 17, « Et moi je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon est ma haute retraite. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer à travers ces cantiques. Chantons. Imbona zambi toli mukili batuna kangai wapinzambi na yo zambi na ngai bavandi na lola kumama Yahweh Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Mama Yahweh, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Koyemba monene na yoi Mosia bayuda elombe mobali kumama Yahweh Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Ngana koyemba lokumo na yoi Yahweh Mosia bayuda longi satana kumama Yahweh Mama, go see about you. Yuda elombe mobali eku mama Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh eku mama. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Gloire à Dieu, il est merveilleux, il est digne de louange, il est digne de toute adoration. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, et bénis son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous voulons vous saluer chaleureusement partout où vous nous suivez, en Côte d'Ivoire, tout comme en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous vous exhortons à partager OSB avec des amis, avec des parents. Si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez le faire facilement par WhatsApp. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 59. Nous avons quelques sujets de prière que nous vous proposons en rapport avec ces psaumes. Nous allons prier pour que Dieu nous protège et qu'il nous délivre contre nos ennemis qui cherchent à nous empêcher d'entrer dans notre destinée prophétique. Comme Saül, il voulait empêcher David d'entrer dans la royauté. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que ta bonté pour nous est forte. Tes bénédictions pour nous sont éternelles. La vie que tu nous donnes est abondante et chaque jour, tu manifestes toujours à répétition tes bontés et tes miséricordes et diverses bénédictions à notre égard. Ce matin, nous venons à toi pour te dire infiniment merci pour ta main droite de victoire qui nous sécurise et qui nous fait échapper du filet de nos ennemis, des méchants, de nos adversaires. Comme David n'a pas été vaincu, tué par Saül. Comme David n'a pas été freiné dans son élan d'accomplir sa destinée prophétique par Saül. Nous aussi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfants du royaume, des fils qui te servent, des enfants de la destinée, quelle que soit la situation que nous vivons, quels que soient les démons qui se lèvent, quels que soient les méchants et les faux amis qui s'opposent, qui voudraient s'opposer à notre destinée prophétique, quelle que soit l'opposition de la méchanceté des hommes, quel que soit l'acharnement de ces démons, ce matin, nous déclarons que leurs activités seront sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la foi, nous sommes exemptés, nous sommes protégés, nous sommes gardés divinement. Et la parole de Dieu est oui et amen dans notre vie. Et en ce jour, nous proclamons que le sang de Jésus nous couvre. Nous proclamons que dans cette saison de fin d'année, nous sommes gardés par les anges. La parole de Dieu confirme notre protection. Merci Seigneur pour ta bonne main qui nous conduit dans notre destinée prophétique, pour ta bonne main qui nous conduit dans notre mariage, dans notre enfantement, dans nos grâces prévues avant la fin de cette année et au-delà. Béni sois-tu Jésus, toi qui fais ces choses dans notre vie. C'est en ton nom nous avons élevé la voix et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu se lève contre nos ennemis, qu'il anéantisse leurs complots et que nous puissions contempler leur chute. Oui, au nom de Jésus-Christ, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu ne les tue pas, mais que Dieu les garde, mais qu'il renverse leurs projets, que leurs complots échouent pour qu'un jour ils puissent voir notre gloire, pour qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui est juste. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, nous te magnifions pour tout tes hauts faits. Nous disons merci parce que chaque jour tu veilles sur nous. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous prions et nous nous tournons vers toi. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tu te lèves en notre faveur et que nos ennemis soient dispersés. Père, disperse nos ennemis. Fais en sorte que les projets iniques, les plans qu'ils ont conçus dans les profondeurs des ténèbres soient voués à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi au Père éternel et nous demandons que tu renverses nos ennemis, que tu mettes nos ennemis sur le long du chemin afin qu'ils puissent voir la manifestation de ta gloire. Relève la tête de tes enfants, fais prospérer tes enfants. Toi qui nous relèves dans nos chutes, toi qui combats pour nous dans nos luttes, fais en sorte que ton nom soit élevé partout. Fais en sorte, Père éternel, que ta gloire soit manifestée, afin que nos ennemis puissent contempler la victoire et expérimenter la défaite, afin de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Père éternel, pour le témoignage que tu nous donnes chaque jour. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la sécurité que tu nous procures. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Et nous nous engageons à toujours être tes témoins partout où tu nous enverras. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chaque matin nous puissions contempler la force et les bontés de Dieu. Et que nous développions constamment une vie de louange au lieu de pleurer, au lieu de murmurer, que chacun de nous, lorsqu'il se réveille le matin, ait l'habitude de contempler les bontés de Dieu, de chanter ses louanges. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération silence dans la prière. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, nous venons à toi pour te témoigner notre reconnaissance dans notre vie. Nous voulons te glorifier dans tous nos membres. Nous voulons te célébrer chaque matin. Nous ne voulons pas murmurer. Nous ne voulons point nous inquiéter. Nous ne voulons point accuser quelqu'un ou accuser ce qui nous arrive. Mais plutôt, nous voulons que tu nous apprennes à te glorifier, à te célébrer, à te chanter chaque matin, à élever les yeux vers toi. Car tu veux que des actions de grâce s'élèvent de notre cœur vers toi. Tu es notre Dieu, notre abri. Tu es notre forteresse. Tu fais beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Que ton nom soit donc célébré. Que de nos bouches sortent des actions de grâce. Toi qui fais de grandes merveilles. Toi dont l'amour n'a pas de fin en nous. Toi qui es l'artiste qui nous conduit dans de verts pâturages. Toi qui nous garde et qui nous montre toujours ta grandeur. Ce matin, nous sommes là encore et encore pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette année. Pour ce mois, nous te rendons grâce. Pour ce jour, nous te célébrons. Pour ce que nous n'avons pas encore vu dans notre vie et que nous espérons, nous te glorifions. Nous savons que notre espérance ne sera pas anéantie. Parce que te dire merci, c'est la mère de la multiplication. Ce matin, pendant que nous te célébrons, nous te chantons, nous te disons merci pour ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Merci maintenant d'accomplir des choses extraordinaires dans notre vie et de changer notre histoire et de nous donner des cantiques de célébration. Béni sois-tu, Jésus-Christ, notre seul Dieu en qui nous espérons. Merci Seigneur, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à vous tous. C'était OSB. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.